Merci beaucoup de m'avoir invité pour discuter ensemble alors de la bureaucratisation du politique et de la repolitisation de la chose publique. Alors, moi je reformulerai un petit peu, si vous le permettrez, le point pour ce que je vais essayer de montrer. C'est que ce que j'appelle la bureaucratisation néolibérale, elle doit se comprendre sans doute moins en termes de dépolitisation qu'en termes de production de l'indifférence et de construction de nouveaux lieux d'énonciation du politique. Alors, qu'est-ce que... je vais procéder en 6 points. D'abord, évidemment, définir ce que j'entends par bureaucratisation néolibérale, qui est une construction, évidemment, qu'on peut discuter. Montrer comment cette bureaucratisation néolibérale est un processus apparent de dépolitisation, mais très rapidement critiquer dans un 3e point cette vision de dépolitisation comme projet politique, pour montrer que si on aborde une approche par le bas et une approche weberienne par la constellation d'intérêts de la domination, on peut voir qu'il n'y a pas de projet politique, mais que nous sommes tous d'une certaine manière des bureaucrates, de sorte que il s'agit moins, ce que je vais essayer de montrer, de dépolitisation que de production de l'indifférence et de transformation des lieux du politique et des lieux d'énonciation du politique. Alors, pourquoi est-ce que je parle de bureaucratisation néolibérale? Alors, tout d'abord, un point sur bureaucratisation. Je reviens non pas au sens commun de bureaucratisation, mais aux travaux sociologiques et notamment aux travaux de Weber, pour qui la bureaucratisation, c'est un grand mouvement de rationalisation, division du travail, spécialisation, de formation technique, d'évaluation par des procédures impartiales, impersonnelles, avec la montée du calcul, de l'écrit, de l'évaluation, et toute cette logique de calculabilité, prévisibilité. Et donc, nous dit Weber, ce processus est consubstantiel au développement du capitalisme. Et bon, il a un certain nombre de phrases, mais notamment celle que j'ai mise en exergue de mon livre. S'il est une idée hautement ridicule, c'est bien celle de nos littérateurs persuadés que le travail intellectuel dans un bureau privé se distingue en quoi que ce soit de celui qui s'effectue dans un bureau d'État. Aujourd'hui, capitalisme et bureaucratie se sont rencontrés et sont devenus inséparables. Et donc, pour Weber, alors qu'il l'analyse aussi bien dans les travaux sur domination que dans ses écrits politiques, notamment sur l'Allemagne, il montre bien que la bureaucratisation n'est pas le propre de l'État, du public, mais est universelle, c'est son terme. Cette bureaucratisation universelle concerne l'État, les grandes entreprises, les banques, les églises, les associations, les clubs. Le titre de mon livre fait donc écho à la fois à Weber, qui est le point de base théorique à côté de celui de Foucault, mais c'est essentiellement un livre weberien, mais aussi est un clin d'œil au livre de Bruno Rizzi, La bureaucratisation du monde, qu'il a écrit en 1933, où il analyse la bureaucratisation aussi bien Rizzi, R-I-Z-I, aussi bien en URSS qu'aux États-Unis et en Europe. Et aujourd'hui, on pourrait rajouter aussi bien pour les pays sur lesquels je travaille, en Afrique subsaharienne, au Maghreb, ou dans les périphéries de l'Europe. Un dernier point théorique qui est très important pour ma démarche, c'est que pour Weber, la bureaucratie, le processus de bureaucratisation, il ne l'entend pas simplement d'un point de vue technique. Fondamentalement, son travail, c'est un travail sur les conduites de vie, sur les styles et l'action sociale. Alors ça est très, très bien mis en évidence par la lecture de Weber par Lefort, mais aussi bien par les spécialistes de Weber, et notamment Jean-Pierre Grossin, qui met en avant cette dimension-là de conduite de vie, d'action sociale, de quotidianisation, hein, et la bureaucratisation est aussi un processus de quotidianisation. Le deuxième terme de l'expression, c'est donc néolibéral. Évidemment, ce processus de bureaucratisation, il n'est pas du tout propre à la période actuelle, mais il y a des spécificités de la période actuelle. La première, et deux principalement pour moi, la première, c'est ce caractère privé des normes, des règles, des procédures, donc ce que j'appelle formalité, hein, pour tout ce processus de bureaucratisation. Donc le caractère privé des normes, y compris des normes du public, hein, et ça c'est très bien connu avec le New Public Management, les partenariats public-privé, etc., mais aussi dans la vie privée, hein, comme on voit l'envahissement du mot gérer pour gérer sa vie, etc. Mais évidemment, en ajoutant tout de suite un complément, c'est pas n'importe quel privé, c'est un certain privé. Les grandes entreprises, la grande entreprise managériale, et une certaine conception du marché, je m'en suis très rapide, c'est désormais très bien connu, c'est pas le marché de l'offre et de la demande, mais comme l'ont montré toutes les sociologies et la sociologie économique récente, un marché encastré dans la société et qui inclut donc des réseaux, des valeurs, des conventions, de l'expertise, la moralité, les relations légales, politiques, des connexions interpersonnelles, etc. Et de même, l'entreprise, ce n'est pas l'entrepreneur schumpeterien individuel, mais cette machinerie rationalisée du management avec des procédures, des dispositifs, autrement dit la bureaucratie d'entreprise. La deuxième caractéristique néolibérale, c'est, me semble-t-il, cette formalisation extrêmement poussée qui fait que l'abstraction est prise pour la réalité. Alors là aussi, le processus de formalisation n'est pas quelque chose qui est spécifique à la période contemporaine. Hein, la bureaucratisation est par définition un phénomène d'abstraction, d'objectivation, comme dirait Weber, formalisé. Mais il me semble que dans la période actuelle, ce processus-là est poussé à un stade suprême, si on pourrait dire, du fait même de cette uniformité, de cette universalisation, si on reprend Weber, de ces normes, puisqu'on a un raisonnement, une façon de penser, des catégories, un processus d'abstraction issu d'un monde très particulier, qui est considéré comme valable partout. Et qu'il n'y a pas ni de distinction publique-privée, ni de distinction sectorielle, ni conjoncturo-historique, si on peut dire, en fonction des conditions économiques et politiques et sociales. Mais l'abstraction devient une élaboration. On fait entrer la réalité complexe dans des catégories, des normes, ces formalités néolibérales. Et donc, on a un gouvernement par abstraction, hein, dans la mesure où des conceptualisations des abstractions sont prises pour la réalité. Alors, quelques exemples très rapides, hein, pour expliciter ce que je veux dire. La notation, par les agences de notation, est censée représenter la santé d'un pays, alors que l'on sait bien comment est créée cette notation, hein, sur des considérations financières et très précises, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et ce qui est en cause, c'est moins le processus même de notation que le fait de considérer cette abstraction-là comme synonyme de la santé d'un pays. Il en va de même pour la norme de 9001, ISO 9001, hein, la norme ISO 9001, qui est censée représenter la qualité, et on sait bien que en fait, les normes ISO 9001 est une norme qui définit une procédure et que la qualité est définie par le respect de la procédure, mais on prend le label ou la norme ISO 9001 comme la qualité. Donc on voit bien là, et pour les normes 26000, qui est la norme de la responsabilité sociale de l'entreprise, de la même façon, c'est en ce sens-là que je dis l'abstraction qui est prise pour réalité. On prend la norme 26000 pour de la responsabilité sociale. Et on pourrait dire la même chose sur l'excellence ou l'efficacité. Et donc, bureaucratisation néolibérale, dans cette association des deux termes, c'est évidemment dans ma bouche très ironique, hein, puisque le leitmotiv néolibéral, ça a été, l'une de ses dimensions était la lutte justement contre la bureaucratie et le red tape. Alors, une fois définie brièvement cette bureaucratisation néolibérale comme des formalités du marché de l'entreprise, qui est donc pour moi non pas le néolibéralisme, mais une facette du néolibéralisme, il est évidemment très facile, à partir des définitions même que j'ai faites, d'identifier des logiques de dépolitisation. La première, elle vient précisément de cette dimension ironique. La dépolitisation est le résultat de cet anti-bureaucratisme de la bureaucratisation néolibérale, si je peux dire comme ça. Et donc, tout l'argument, comme je le disais, actuel de cette logique néolibérale, c'est une critique de la bureaucratie étatique et son dévoiement, notamment par la politisation, la non-neutralité, la non-objectivité, et donc la critique de ces dérives politiques. Et donc là, on a bien à l'œuvre une logique de dépolitisation pour revenir, dans une lecture absolument pas weberienne, à la logique de l'impersonnalité, de l'objectivité, de la neutralité, de ce que doit être une bureaucratie. Loin des logiques partisanes et idéologiques, et qui se reflète dans le vocabulaire, mais j'y reviendrai tout à l'heure, sur précisément le glissement et la généralisation du vocabulaire de la gouvernance aujourd'hui. Au lieu de parler du politique ou du gouvernement, ou en tant que Foucauldien de gouvernementalité, la gouvernance traduit bien cette volonté de dépolitisation. La deuxième modalité de la dépolitisation, c'est la technocratisation, si on pourrait dire. C'est l'instauration d'un nouveau savoir technique, celui du management, avec le développement d'une expertise, de conseils, de cabinets de consultants, de cursus universitaires, de nouveaux postes, selon une logique technique, qui est une logique aussi de formalisation de plus en plus détaillée, de plus en plus fine, spécialisée, alors aussi bien dans l'évaluation, la normalisation, les procédures, avec une professionnalisation et donc la raison d'être même d'un développement toujours plus poussé de ces techniques. La troisième ligne de dépolitisation, elle vient précisément de ce qui fait la définition de cette formalité néolibérale, c'est le marché et l'entreprise, et donc avec les fondements des normes sous-jacente à cet ordre. Et d'ailleurs, qui est un processus que Weber et puis à sa suite Polanyi avaient déjà mis en évidence, avec tout leur développement sur l'inflation législative ou l'inflation normative. Et que d'une certaine façon, Foucault aussi développe à partir de son analyse de la politique des cadres. Et donc, où on n'a plus d'intervention directe, qui précisément sont trop politiques dans le marché, mais la définition de normes, de règles, de procédures, de façon à ce que l'action publique soit favorable et ronde l'environnement marché et entreprise friendly. Et de même, l'entreprise et ce gouvernement entrepreneurial, si on reprend Foucault, ce n'est pas n'importe quelle entreprise, ce n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise individuelle schumpeterienne, mais une organisation extrêmement complexe, sophistiquée, de la grande entreprise capitaliste, avec un savoir managérial, un ensemble de règles, de procédures, encore une fois, de routines formelles autour duquel le système s'organise et se reproduit. Et le quatrième ligne de dépolitisation, c'est, là aussi je l'ai mentionné en définissant la bureaucratisation néolibérale, c'est l'abstraction. Hein, puisqu'on a un processus de diffusion, hein, d'abstraction, hein, de catégorisation, d'objectivation, qui est en lui-même, en ce sens-là, apolitique, en ce sens que la signification, les relations de pouvoir, l'historicité de ces régimes, etc., tout cela est mis de côté, et ce qui est valable pour un monde spécifique, hein, l'entreprise managériale, les grands acteurs capitalistes, est considéré comme valable partout. Donc là, on a toute une logique d'efficacité, de rentabilité, de concurrence, de meilleure organisation au moindre coût, de contrôle sous contrainte, de responsabilité individuelle, d'autodiscipline, de rendre les choses et les hommes gérables. Toutes ces dispositifs, ces procédures, les normes, les catégories sur lesquelles tous ces principes reposent, migrent à l'ensemble de la société et donc crée de la distance et fait perdre le sens politique. Ce qui se voit, je l'ai mentionné tout à l'heure, dans le vocabulaire, hein, puisqu'on parle de moins en moins de politique, de plus en plus de gestion, hein, de problèmes à régler, à résoudre, de gouvernance, et que des termes comme inégalité peuvent disparaître au profit de précarité, flexibilité, particularité, de même que la fluidité, etc. Alors, cette évolution et cette caractéristique, elle est souvent présentée, hein, donc ce processus de dépolitisation, des formalités néolibérales, comme un grand projet politique de dépolitisation, précisément. Alors, soit un grand projet, je dirais, anti-politique, ou la construction d'une hégémonie politique néolibérale qui dénierait le jeu politique. Hein. Autrement dit, une volonté, un projet de dépolitisation pour mieux imposer des projets, techniciser pour mieux imposer un projet politique néolibéral qui est un projet de contrôle, de normalisation, de surveillance, hein, un projet sécuritaire. Et donc, on a par exemple des courants de l'école de Francfort, des marxismes, certains courants issus des études foucauldiennes, pas toutes, qui développent plutôt cette interprétation. On a aussi un second volet de cette présentation comme grand projet de dépolitisation, cette idée que ce serait un grand projet antipolitique capitaliste, d'hégémonie économique néolibérale, et donc là on aurait un processus de dépolitisation pour mieux imposer une vision économique, un ordre économique qui avantage des intérêts économiques et financiers spécifiques, et donc un processus de domination économique, le fait de grands acteurs économiques, hein, les grands cabinets, les grandes banques, les grands fonds de pension, etc., qui arrivent à se lier, ou qui ont réussi à convaincre des politiques qui sont achetées, cooptées, enrôlées. Comme vous l'aurez compris dans ma présentation, je me distancie de ces interprétations. Bien sûr, sans dénier l'existence d'intentionnalité, hein, et sans dénier le fait qu'effectivement, il existe de tels projets. Et par exemple, dans le fait même du New Public Management ou de tous ces processus de diffusion des agences, hein, l'agence séification, les partenariats publics-privés, il s'agit bien d'un projet politique. Hein, ce sont des politiques publiques définies par les États, avec des visions, des plans et une autre forme de planification. De la même façon, on ne peut pas dénier l'existence d'une hégémonie de grands acteurs économiques que l'on voit tous les jours à travers des guerres sur les normes, ou les guerres économiques, ou bien sur le développement du droit de la propriété intellectuelle, qui est aussi un projet de protectionnisme caché, mais enfin parfois qui n'est pas caché du tout. Ces dynamiques existent et ces intentions existent. Mais il n'y a pas que ça, et je pense que c'est totalement insuffisant pour comprendre la diffusion dans tous les secteurs, dans toute la société, de façon aussi profonde, et finalement une acceptation, on peut dire généralisée ou presque généralisée, parce que, je vais vous montrer, il y a aussi, et c'est en cela que je dis que c'est un nouveau lieu d'énonciation du politique, c'est aussi le lieu de la contestation, mais... il y a effectivement une acceptation quand même généralisée de ces processus-là, et notamment dans des démocraties. Donc pour l'expliquer, il faut chercher ailleurs, et en complément, sans nier l'importance de ces intentionnalités. Et pour cela, il me semble qu'il y a trois lignes d'arguments qui sont intéressants à analyser ou à explorer. D'une part, c'est de considérer autrement la domination, et le contrôle, en se débarrassant de cette vision qui est une vision imposée d'en haut, et qui est finalement simplement l'une des analyses de la domination que développe Weber, la volonté de dominer et l'acceptation d'obéir. Mais qu'il y a aussi, c'est pour moi ce qui est le plus intéressant chez Weber, toute l'analyse de la domination par constellation d'intérêts. Et donc par cet ensemble de logique et la rencontre d'intérêts hétérogènes qui fait à un moment donné une situation de domination, je vais y revenir. Donc il y a toute cette piste d'essayer de comprendre ces constellations d'intérêts qui expliquent cette diffusion des formalités néolibérales. Une seconde piste, c'est celle du couple formalité-informalité. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, cette bureaucratisation néolibérale, elle n'est pour moi qu'une facette, certainement dominante, certainement importante, mais qu'une seule facette du néolibéralisme, et il faut prendre en compte aussi les informalités. Alors quand je dis informalité, c'est pas au sens d'informel illicite, c'est ce qui n'est pas formalisé selon les formalités néolibérales, donc selon les abstractions issues de ce monde de managérial de l'entreprise, et que finalement on voit que la vie en société, elle est faite de cette intrication, entremêlement des formalités et des informalités, ce qui change aussi la donne. Et enfin, troisième argument sur lequel je voudrais venir, c'est que on ne donne pas tous dans la société, tous les acteurs ne donnent pas la même signification à ces formalités, et que là aussi ça ouvre la porte à des possibilités d'expression du politique. Alors, sur la constellation d'intérêts, quand on regarde, parce que bon, mon livre est un essai assez théorique, plus développe une thèse, mais il est basé à l'arrière sur énormément de terrain, énormément de travaux empiriques. Et quand on le regarde concrètement, alors que ce soit en France ou sur les terrains sur lesquels j'ai l'habitude de travailler, on voit que d'une part, ces logiques bureaucratiques sont portées, au sens weberien, Trager, sont portées et donc sont prennent corps, prennent sens, par de nombreux acteurs très variés. Il y a bien sûr ces acteurs porteurs de projets, que ce soit de projets politiques ou de projets économiques dont j'ai parlé précédemment, les grandes entreprises, l'État, etc., mais aussi portés par des acteurs beaucoup plus banal, beaucoup plus, beaucoup moins important. On peut citer, il y en a énormément. Il y a évidemment tous les acteurs du marché des normes. On sait bien que, par exemple, la norme ISO est devenue un énorme succès commercial, hein, qui a créé énormément d'emplois, énormément de marchés et d'argent. Mais il y a beaucoup d'autres normes. Il y a des normes techniques, des normes financières, des normes d'évaluation. Inutile de développer toute cette dimension d'explosion de l'audit et de l'évaluation qui fait partie, qui alimente ce marché. Et toute l'industrie de la quantification et de l'évaluation. Porteurs hein, de cette logique bureaucratique néolibérale, il y a aussi toute l'expertise et les consultances. C'est leur raison d'être hein, d'offrir des techniques, des indicateurs, des procédures toujours plus formalisées hein, et des dispositifs toujours plus sophistiqués, que ce soit sur la transparence, sur l'efficience, sur l'évaluation, sur les règles du marché, etc. Mais on n'a pas simplement ces nouveaux segments de marché, on a aussi des nouveaux métiers. Évidemment, le management, ça se développe non plus simplement dans les entreprises, mais partout. On en est les premiers concernés dans l'université. Mais je discutais avec Sylvie Monchâtre, qui a travaillé en tant que sociologue sur notamment l'hôtellerie et la restauration. Et elle disait, même dans la cuisine, maintenant, on a des managers. On a des assembleurs hein, et non plus des cuisiniers. Donc c'est un nouveau métier qui se retrouve partout et donc un créneau dans tous les secteurs. Et un créneau dans tous les secteurs, non seulement parce qu'il y a cette dimension matérielle, mais aussi il y a une dimension de reconnaissance hein, qui est très importante dans le management comme nouveau savoir. Et là, je fais une petite parenthèse, puisque ce projet sur bureaucratisation néolibérale est un projet à la fois personnel, mais aussi collectif. Et j'ai publié en 2012 le livre personnel, mais en 2013 un livre collectif. Et il y a par exemple un article de Frédéric Pierru qui montre bien comment, dans l'hôpital, il y a notamment pour des personnes qui n'arrivaient pas à être chef de service ou qui n'arrivaient pas à être reconnues dans leur spécialité, une reconnaissance par la gestion, par le management et qui est une stratégie qui aussi permet d'avoir du pouvoir, de s'affirmer dans un milieu, etc. Donc on voit déjà une logique, logique bureaucratique portée par de très nombreux acteurs pour qui c'est un métier, un marché, une modalité de la reconnaissance professionnelle. Il y a aussi, beaucoup de façon encore plus large, ces logiques bureaucratiques qui sont alimentées par énormément d'attentes et très diverses. Alors, des attentes de sécurité, et c'est sans doute des attentes les plus forte hein, dans la diffusion des logiques des formalités néolibérales. Alors sécurité aussi bien dans le sens sécuritaire de la police, hein, mais aussi d'être rassuré dans son propre travail. Quand on fait des entretiens, et par exemple aussi bien dans le monde de médical, les infirmières que j'avais interviewées ou même dans le monde de l'entreprise ou de la banque, le fait d'avoir des normes, des règles, des procédures est simultanément considéré comme quelque chose de contraignant mais de quelque chose qui rassure. On sait ce qu'on doit faire pour faire bien son travail, bien évaluer, et donc les guidelines, c'est quelque chose qui rassure et qui simultanément est fondamental dans cette logique de bureaucratisation. Il y a aussi ces attentes de contrôle. le contrôle des hommes politiques, le contrôle de l'administration, le contrôle de ses subordonnés, mais aussi de ses supérieurs. Dans le même genre d'idée, le principe de précaution qui alimente toutes ces formalités. Dans un registre autre, la demande de modernité aussi est tout à fait prégnante, importante dans la diffusion de ces normes. On le voit évidemment avec aujourd'hui tout ce qui est de l'ordre de l'informatique, Internet ou de la téléphonie, les téléphones intelligents, qui sont... Et là aussi, on voit une autre ambivalence qui permet de comprendre cette diffusion, où on a soit l'effet modernité, l'effet être branché, qui cache, et on voit qu'on peu à peu, on arrive aussi à la production de la différence, qui cache les modalités de contrôle, et de formalités néolibérales qui se cachent dans ces processus-là, ou bien qui les font voir comme un mal mineur face aux avantages de cette modernité, de ces avantages de la modernité. Les demandes de transparence aussi sont un phénomène, un vecteur très important de diffusion de ces formalités néolibérales. On demande à savoir, on critique absolument l'opacité, tout doit être transparent, mais pour que ça soit transparent, il faut définir des normes, il faut définir des procédures, il faut définir des indicateurs, etc. De même que toute la logique de rendre des comptes, avec qui évidemment génère l'évaluation, l'audit, etc. Et aussi la demande de justice. La demande de justice qui alimente là aussi toutes ces procédures objectives, neutres, non personnalisées, qui sont des ferments, des vecteurs de cette bureaucratisation néolibérale. La logique bureaucratique, elle est également nourrie, je dirais, malgré soi, par ce sentiment ou ce comportement de « il faut faire avec », l'acceptation de contraintes qui sont considérées comme soit incontournables, soit un moindre mal. Quand on veut arriver à son but, on peut très bien accepter de passer et donc de diffuser ces formalités néolibérales, alors même qu'on en voit des effets pervers. Là aussi, dans le livre collectif, il y a les travaux de Roberto Beneducci et Simona Taliani, qui sont anthropologues et psychiatres, et qui montrent bien comment dans le soutien qu'il y a aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, que ce soit les avocats ou les médecins ou les psychiatres, sont obligés de passer par ces filtres de la bureaucratie néolibérale, de faire des diagnostics post-traumatiques, de demander aux candidats à l'asile de définir des récits extrêmement normés, fictif, mais considéré comme crédible et permettant d'avoir ce statut-là. Et il montre comment ils sont coincés entre cette logique qui est la logique du réussir à avoir le statut, et donc respecter ces formalités, et donc les alimenter, donc les légitimer, et en même temps tous les effets pervers, qui est notamment l'impossibilité pour des gens qui ont souffert de dépasser et de travailler sur cette souffrance. Mais comme il le montre bien, ils sont contraints, ils font le choix de passer par ces formalités bureaucratiques pour avoir le statut de demandeur d'asile. Il y a aussi la logique du c'est mieux qu'avant. Et là, par exemple, dans le milieu universitaire, quand j'avais essayé de travailler un petit peu pour ce livre sur la diffusion de toute cette bureaucratie qui nous submerge, et d'en voir l'origine, et ça avait été corroboré par Isabelle Bruneau, qui a aussi fait l'article sur, dans le livre collectif. Enfin, pas sur ce sujet-là, dans d'autres travaux à elle, qu'à l'origine de toutes ces réformes, il y avait des gauchistes qu'on ne pouvait absolument pas penser comme des néolibéraux, mais qui voulaient mettre en place des procédures, des formalités qui remettent en cause le mandarinat, le clientélisme, etc. Et que finalement, y compris quand on parle avec eux aujourd'hui, ils disent mais finalement c'est quand même mieux que la période antérieure. Et il y a aussi cette dynamique de l'invisibilité de la contrainte qui est très important parce que, moi je démarre mon livre sur le récit d'une infirmière, mais finalement c'est une infirmière... Alors, je ne dirais pas qu'elle est atypique, mais qui a réussi à faire ce travail d'analyse de toute la dimension bureaucratique en conflit avec son métier. Premièrement parce que je l'incitais à le faire et que j'ai discuté longuement. Et par ailleurs, parce qu'elle avait elle-même un parcours autre qui faisait qu'elle était particulièrement sensible à ces questions-là. Mais que j'en ai rencontré beaucoup d'autres qui justifiaient ou qui ne voyaient pas la dimension contrainte, contrôle, à l'encontre de la logique de métier. Et enfin, une dernière logique dans cette constellation d'intérêts, c'est que, et là aussi c'est très classique, Weber en parle lui-même à propos de la bureaucratie, c'est que la logique bureaucratique est souvent renforcée par l'opposition à la logique bureaucratique. Très concrètement, on voit bien par exemple comment toutes les normes aujourd'hui alimentaires, les normes bio, elles sont nées de l'opposition à toute la logique bureaucratique néolibérale de l'agroalimentaire, mais que précisément pour s'opposer, pour se différencier de cette logique-là, il a fallu aussi définir des normes, et des règles et des procédures qui définissent l'agriculture biologique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette agriculture biologique elle-même, elle est critiquée avec la logique de la proximité, mais l'agriculture de proximité doit elle-même aussi développer des indicateurs, des référents. On voit bien que la logique bureaucratique est elle-même renforcée ou diffusée par l'opposition que cela suscite, même si, et c'est un argument que je développerai plus tard, toutes les logiques bureaucratiques ne se valent pas, et que là aussi on a un lieu pour le politique. Mais alors quand on met en évidence toutes ces constellations d'intérêts, toutes ces logiques autres, ces intentionnalités autres, mais aussi ces non-intentionnalités qui expliquent la diffusion de cette bureaucratisation néolibérale, je pense qu'on montre plutôt qu'il n'y a pas de grands projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on ne montre pas que ce n'est pas politique. Et au contraire, je pense qu'en mettant en évidence cette multiplicité de logiques, on montre que c'est simultanément très politique, dans ce sens qu'on est dans des rapports de pouvoir, on est dans des expressions d'une volonté de vivre en société, et que cette diffusion de formalités néolibérales n'est possible que par l'expression de cette constellation d'intérêts, et qu'on a donc une domination qui est extrêmement difficile à entrevoir, à imputer à des acteurs sociaux précis, parce que cela transite précisément par des situations de rencontre d'intérêts hétérogènes en dehors de ces grands projets et de ces visions intentionnalistes. Et qu'on a au contraire une multiplicité d'intentions, mais aussi de non-intentions, et que cela va en dehors de la seule recherche de normalité et de conformité. Et donc, je dis que c'est très politique parce qu'on a l'action de cette diversité d'acteurs et de la société tout entière et de nous tous, hein, puisque une des conclusions de ce que je viens de dire, c'est que nous sommes tous des bureaucrates. Mais ce qui ne veut pas dire que ça ne produit pas des effets, mais que précisément le fait qu'on n'ait pas un projet, une domination d'en haut, mais cette constellation d'intérêts produit des effets extrêmement complexes et subtils, beaucoup plus qu'une domination hégémonique dépolitisante, et que ça prend des formes particulières qui naissent précisément des caractéristiques de la bureaucratisation néolibérale que j'ai analysée plus haut, c'est-à-dire qu'il s'agit moins de contrôle, de surveillance, que de retrait, d'éloignement et donc de production de l'indifférence. Alors pourquoi je dis production de l'indifférence plutôt qu'un projet politique de contrôle et de surveillance? C'est qu'on a simultanément la recherche d'efficacité, la technicité, le primat de la rationalité instrumentale, la recherche de normalité dans le travail du quotidien, mais simultanément, toutes ces demandes ou ces attentes en termes de sécurité, de précaution, de modernité, de transparence et de justice. Et donc, on a une... Alors, pas un découplage, mais une distance entre ces instruments, ces formalités néolibérales et les attentes politiques. Et donc, en ayant fait cette analyse de dissociation, de mise à distance, je me suis rappelé les travaux que j'avais utilisés dans mes recherches précédentes sur l'anatomie politique de la domination, et notamment les travaux d'historiens, que ce soit Baumann sur le Troisième Reich, Traverso sur les guerres de la Première et Deuxième Guerre mondiale, ou les travaux de Ginsburg, de Carlo Ginsburg, qui montrent comment on a production de l'indifférence par ce couplage de la division fonctionnelle du travail, de la substitution de la responsabilité technique à la responsabilité morale et le souci constant d'efficacité qui fait perdre le sens politique d'une action très, très politique. Et qu'on peut coupler aussi d'ailleurs aux travaux anthropologiques de Hersfeld, hein, sur la production de l'indifférence comme production sociale, et comment la bureaucratie d'État crée la bureaucratie d'État permet ce processus d'indifférence, mais une indifférence qui est ancrée dans des imaginaires sociaux de l'État. Alors, ce qui me paraît nouveau avec le néolibéralisme, c'est qu'on a cette systématisation du gouvernement à distance et du gouvernement sous la forme du gouvernement par abstraction. Et donc, la production de l'indifférence est légitimée, elle est renforcée par des règles, des normes, des procédures qui sont diffuses dans la société. Et donc tout ce recours à des indicateurs, à ce qu'on appelle le gouvernement par les chiffres, aux procédures personnalisées, aux techniques d'évaluation. Et on le voit très bien sur les politiques migratoires. Je pourrais reprendre, c'est dans le livre d'Augien et Laugier, ils en parlent très bien sur les politiques migratoires, par exemple, où on perd le sens même de l'objet de la politique, quand on parle de refoulement à la frontière en termes de programme annuel de performance relatif au programme 303, migration et asile, dont l'action 3, lutter contre l'immigration irrégulière, contient l'objectif 4, renforcer la mobilisation des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre l'immigration irrégulière, et quand elle est mesurée par des indicateurs de performance, dont le 4.2, qui est le nombre de mesures de reconduite à la frontière, qui affiche un nombre de... ou bien tous les travaux aujourd'hui qui montrent la souffrance au travail qui naît aussi de cette indifférence. Par ailleurs, comme je le disais, un deuxième pour contrer cette vision par le haut d'un projet de dépolitisation, c'est le fait que la logique néolibérale actuelle ne peut pas se réduire à cette logique des formalités de la bureaucratie néolibérale. C'est qu'une seule facette, et qu'il y a toute l'importance des informalités. Donc, comme je le disais tout à l'heure, des informalités qui ne sont pas l'informel, de l'économie informelle, de l'illicite, l'illégal, mais tout ce qui ne rentre pas dans les formalités du marché et de l'entreprise. Et les logiques de l'informalité me semblent plus importantes que ne le laisse apparaître l'hégémonie des formalités néolibérales. D'une part, ces formalités sont toujours incomplètes. Elles sont tellement abstraites, et elles sont tellement diffusées que nécessairement, elles doivent être adaptées. Dans ce processus d'adaptation, il y a de l'inventivité, mais il y a aussi beaucoup d'informalité, de bricolage. Et quand je parlais avec des acteurs, que ce soit dans la santé, mais que ce soit aussi dans l'entreprise et même sur des normes techniques, qui disait bien, de toute façon, par exemple, les normes ISO ou les normes techniques ont été définies sur un autre objet. Quand on les applique sur notre objet à nous, on est obligé de faire des adaptations et on est obligé de faire des choses qui ne rentrent pas dans la procédure pour pouvoir respecter la procédure. Il y a toute cette dimension d'incomplétude. Il y a aussi toute la dimension de concurrence entre règles et entre normes. Parce que, évidemment, ce que j'ai dit, c'est la domination des formalités néolibérales qui sont ces règles, procédures, normes issues du monde de la grande entreprise managériale. Mais qui rentrent en concurrence ou en cohabitation avec soit d'autres normes techniques, soit d'autres normes sociales. Et par exemple, dans le monde du travail, on a simultanément les normes ISO, les normes, par exemple, de compétences, tout le travail et la gestion par compétences, mais on a toujours les conventions collectives. Et donc, on est toujours dans un monde où il y a une concurrence de règles, de normes qui sont issues de l'histoire, qui sont issues de mondes sociaux différents, et qui permettent aussi des jeux sur, sur ces formalités, informalités néolibérales. Il y a la difficulté d'application des normes qui génère des informalités. Alors, quand je dis ça, comme exemple qui me semble le plus flagrant et le plus facile à comprendre cette idée, c'est celui de, c'est un exemple macroéconomique de l'entrée de la Grèce dans l'euro. On sait bien que l'entrée de la Grèce dans l'euro, c'était une décision politique. Il fallait que la Grèce rentre dans l'euro. Donc, il fallait pour cela qu'il respecte les critères de Maastricht. Or, il ne les respectait pas. Donc, on a, avec évidemment les acteurs européens, avec l'Union européenne, décidé de faire des bricolages, hein, des informalités, pour respecter les formalités. Et donc, il y a toute une hypocrisie à découvrir, 10 ans plus tard, les fraudes, les non-respects, puisque la décision même de faire entrer l'Union européenne, la Grèce dans l'Union européenne, n'a été rendue possible que par l'usage d'informalités pour respecter les formalités. Et on a critiqué uniquement la Grèce, mais on sait bien que tous les pays, à commencer par la France, ont joué aussi sur ces informalités pour le respect de formalités. Et donc, le quotidien est fait de formalités et d'informalités. Et alors, ça a pour effet à la fois d'atténuer et donc de rentrer dans cette production de l'indifférence de cette dimension domination par les formalités néolibérales, mais ça peut aussi avoir, et on le voit bien aujourd'hui sur le cas de la Grèce, mais on le voit aussi sur les normes techniques, etc., ça peut avoir un effet de conscientisation, hein, et on le voit vraiment aussi dans les services publics. Hein. Moi, je suis de plus en plus invitée par les syndicalistes et par des acteurs professionnels, que ce soit dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, précisément par des acteurs qui se sentent coincés entre cette domination des formalités, mais leur quotidien qui est fait constamment d'informalités pour respecter des formalités. Et donc une conscientisation qui est aussi un lieu, un nouveau lieu, hein, du politique. Enfin, j'accélère parce que je suis trop longue, troisième argument qui est celui que on ne comprend pas tous de la même façon ces formalités néolibérales, et donc ces différences d'appréhension, de compréhension, de signification que l'on en donne permet aussi que la bureaucratisation néolibérale soit un champ de bataille, soit un lieu du politique, et pour moi un lieu éminent d'énonciation du politique. Alors, quand je dis qu'on n'a pas tous la compréhension, je veux dire plusieurs choses. Une première chose, c'est qu'on est inégaux devant les normes, devant les formalités néolibérales. Un exemple tout à fait personnel de notre monde universitaire, professeur, directeur de recherche au CNRS, en tout cas quand on a un poste et qu'on est assez haut dans la hiérarchie, on peut très bien faire fi de toutes ces contraintes. Et moi, j'avoue que par exemple, le CRAC, le RIBAC, je le fais à ma manière, c'est-à-dire je mets les publications, pour tout le reste, je ne le remplis pas, et dans les commentaires, je dis, de toute façon, je mettrai trop de temps à remplir, et il n'y a aucune conséquence au non-respect de ces formalités néolibérales. En revanche, un jeune qui veut rentrer dans la profession, ou quelqu'un qui vient d'être recruté, chargé de recherche, mais qui veut devenir directeur de recherche, il va être obligé de rentrer dans ce jeu. Donc on voit bien qu'on n'est pas égaux face à la norme, et que ces situations-là sont aussi des situations de conscientisation de cet enjeu politique, et la relation inégale est une relation politique. On peut aussi ne pas avoir la même compréhension d'une même formalité néolibérale. Et on peut très bien, pour certains, la voir comme un impératif incontournable, donc, et ne pas voir cette dimension de contrainte. On peut la trouver comme quelque chose de très bien. Bon, j'ai donné tout à l'heure suffisamment d'exemples, mieux que le système antérieur de Mandarina, par exemple, par rapport à une nouvelle règle managériale. On peut le considérer comme un mal nécessaire, on peut le considérer comme un bienfait. Et ça dans beaucoup de domaines. Par exemple, il y a un livre qui vient de sortir récemment qui montre comment le travail précaire n'est pas simplement, ne peut ne pas simplement être considéré comme un effet néfaste des nouvelles formes de capitalisme, mais peut être interprété comme un jeu sur la liberté possible face au travail et face aux contraintes du travail. Et on peut aussi ne pas avoir la même signification politique de ces formalités néolibérales, de cette bureaucratisation néolibérale. Et tout à l'heure, quand je vous parlais des normes bio qui, finalement, au nom de la lutte contre des normes agroalimentaires, diffusaient des normes, on voit bien aussi qu'on n'est pas dans les mêmes... dans la même relation politique, sociale, cette même vision de la société, et que vous avez des normes bureaucratiques néolibérales, en ce sens qu'elles sont issues de ce monde du marché, du management, etc., mais qui véhiculent un modèle de société régi par les règles financières, économiques, la concurrence, etc., et d'autres sur un mode beaucoup plus participatif, attentif à l'environnement, etc. Donc on voit bien que, ou bien, un autre exemple très, très clair, c'est comment aussi bien les chefs d'entreprise que les syndicalistes sont des acteurs de la formalisation néolibérale, en ce sens que les uns et les autres développent et appellent à des normes, à des règles, à des procédures, mais on voit bien qu'ils ne sont pas porteurs de même projet en société. Donc quand on dit diffusion, inflation normative, diffusion, envahissement des formalités néolibérales, on ne veut pas dire forcément convergence et intérêt harmonieux, compréhension univoque de ces processus-là. Et c'est en ce sens-là que je dis que ces formalités néolibérales, derrière cette apparence de dépolitisation, sont en réalité, à mon avis, aujourd'hui, le nouveau lieu d'énonciation du politique, non seulement parce qu'il met en évidence ces inégalités, non seulement parce qu'on a une compréhension différente des normes, une signification différente de ces formalités, mais aussi parce que ça suscite des résistances, des contre-conduites, des oppositions qui définissent des luttes, des conflits et des compromis, et qui donc sont des lieux du politique. Et pour finir, une dernière phrase, je voudrais revenir à Weber et dire qu'on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la cage d'acier, mais qu'on est dans l'habitacle dur comme le fer, puisqu'il y a toute une polémique sur la... Enfin, pas une polémique, les spécialistes, notamment Grossin, ont montré comment toute cette image de la cage d'acier était une mauvaise traduction de Weber, et que Weber ne disait absolument pas cage d'acier, ce qui voudrait dire impossibilité de l'action politique, mais un habitacle dur donc, comme l'acier, donc effectivement contraignant, effectivement dans un ordre de domination, mais qui laisse la place à l'action politique et aux enjeux politiques. Merci. Nous prenons quelques questions. De ce qu'on appelle également l'ordolibéralisme, c'est-à-dire le néolibéralisme allemand, qui idéalise la petite entreprise. Je veux dire par là que, par exemple, dans les cours de Foucault sur la naissance de la biopolitique, il est question tout à la fois d'un courant ordolibéral qui est le courant qui sacralise le principe de la concurrence, qui est Eucken, Böhm, etc., et puis d'un autre courant qui est le courant de ce qu'on appelle le libéralisme sociologique ou le courant de la politique de société qui est incarné par des gens comme Röpke et d'autres. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que dans l'interprétation de Foucault, il y a une façon d'avantager, par exemple, dans le deuxième courant, l'idée que se fait Röpke de la nécessaire lutte contre la prolétarisation, puisqu'il dit que les grandes sociétés sont des sociétés qui tendent à produire des prolétaires de plus en plus nombreux, à les déraciner de leur communauté de vie traditionnelle, et que le remède à cela, c'est précisément la généralisation de la forme de l'entreprise. Mais quand il parle de la généralisation de la forme de l'entreprise, c'est le jardin derrière la maison, c'est-à-dire c'est une présentation, une auto-présentation assez bucolique de l'entreprise. Donc c'est pas du tout la grande entreprise, c'est pas la rationalité managériale. Et donc à cet égard, il y a une présentation chez Foucault qui est assez indifférenciée, où on a l'impression que justement c'est sur le même plan. Il y a la politique du cadre, qui est donc celle du premier courant dont j'ai parlé, Eucken, Böhm, etc. Et la politique du cadre, en effet, comme vous l'avez dit, c'est une manière d'agir sur les individus en agissant sur le cadre, c'est-à-dire sur les conditions, c'est-à-dire sur le milieu ou l'environnement. Donc c'est effectivement une manière d'agir qui est un petit peu indirecte. Alors que la politique de société, c'est la généralisation de la forme entreprise. Et on a l'impression parfois que chez Foucault, la généralisation de la forme de la petite entreprise produirait tendanciellement l'idée que chaque individu deviendrait une entreprise de soi-même. Bon, alors que c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Et justement, je crois que c'est important de considérer que même lorsqu'il s'agit de l'individu, la rationalité, ce n'est pas celle de la petite entreprise, c'est la rationalité managériale des grandes entreprises bureaucratisées. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, quand on écoute les gens qui parlent de l'idéal de l'entrepreneuriat, par exemple, il y a une semaine de la NUMA, les pépinières de cadre pour les entreprises innovantes et les start-up. Et la déléguée générale de l'ANUMA a eu cette phrase assez extraordinaire. Elle a présenté l'entrepreneuriat en disant qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat et le chef d'entreprise, parce qu'il y avait peu de gens qui étaient des chefs d'entreprise, donc des entrepreneurs, mais potentiellement c'était tous les citoyens qui étaient des gens qui participaient à l'entrepreneuriat, à la forme de l'entrepreneuriat. Et elle a eu cette phrase assez extraordinaire. Elle a dit « Aujourd'hui, chaque Français conduit sa vie à la manière d'une entreprise. » Et après, elle s'est ravisée, elle a dit, enfin, chaque, pas tout à fait tous les Français, mais ça va venir. Et ce qui est important, disait-elle, c'est que ce soit l'entrepreneuriat et pas l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas le statut juridique de l'entreprise, c'est la forme qui est celle de l'entrepreneuriat et la généralisation de la forme de l'entrepreneuriat. Le fait que chacun, par conséquent, participe, quel que soit son niveau, les ressources qu'il met en œuvre, etc., le nombre de gens éventuellement qui travaillent sous sa responsabilité, de toute façon, il met en œuvre cette logique-là, qui est celle de la forme entrepreneuriale comme forme de vie. Et elle a même ajouté que c'était souhaitable parce que c'était une nouvelle démocratie qui naissait de cette manière-là, qui était la démocratie entrepreneuriale. Donc ça allait assez loin. Mais ce qui est important, il me semble, donc j'ai été très sensible à ça, c'est que ce soit la logique managériale de la grande entreprise qui serve de modèle, même lorsqu'il s'agit de penser l'individu lui-même qu'entreprise de soi. Pas du tout le petit pré ou le jardin derrière la maison, ou le fait que la petite exploitation familiale, voilà, parce que ça, c'était un peu trop... Enfin, je pense que c'est surinterprété dans le texte de Foucault. Oui, non, tout à fait. Moi, j'étais toujours sensible à ça. C'est que dans les textes de Foucault, finalement, l'économie politique, qui est le savoir néolibéral, finalement, Foucault s'intéresse très très peu. Et a une vision absolument abstraite et très discursive de ce que c'est. Et c'est là où, dans ma démarche, et c'est très important, cette combinaison de Foucault et de Weber, c'est qu'en cela, moi, je suis très weberienne. Enfin, de toute façon, dans mes travaux, je suis weberienne, mais c'est qu'il faut aller voir cette quotidianisation. Il faut voir qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qui est le référent de, la, de l'entreprise. Et précisément, aujourd'hui, quand on regarde qu'est-ce que l'entreprise, c'est absolument pas... Alors, il y a une disjonction, est-ce ce que vous mentionnez, il y a une disjonction entre le discours qui valorise... l'entrepreneur est individuel, il y a tout ce qui est aussi auto-entrepreneur, etc. Donc on valorise l'entrepreneur individuel, mais lorsqu'on le regarde, les pratiques des formalités néolibérales, donc de toute cette bureaucratisation que je décris, c'est uniquement de la grande entreprise, managériale, etc. Et donc de bien montrer cette, cette distorsion aussi entre un discours et les pratiques autour de l'entreprise, c'est effectivement quelque chose sur lequel j'ai été très, très, très sensible dès le départ. Je voudrais faire essayer d'exprimer un trouble. Je trouve tout à fait passionnant que vous commenciez avec Weber, vous finissiez avec lui, c'est-à-dire un penseur, disons cela, du monde de la Prusse du début du XXe siècle. Et les questions que je me pose, en fait, je me les pose à partir d'une expérience de recherche qui est la mienne, disons, qui est celle du travail sur les réformateurs sociaux de cette époque. Et chacun des points par lesquels vous caractérisez la bureaucratie néolibérale, je pense qu'on peut raisonnablement les retrouver dans ce temps-là. Je ne vais pas être trop long, mais juste quelques observations. Gouvernant par l'abstraction, une des choses qui caractérise les transformations qui sont au principe, disons, de l'État social du XXe siècle, c'est la transformation de l'arbitraire de la décision individuelle, notamment dans les politiques d'assistance, par des mécanismes qui créent des droits, donc qui créent des règles, qui créent des obligations en même temps que des devoirs, en même temps que des droits, etc. Foucault n'est pas loin, bien entendu, sur tous ces sujets. Donc ce gouvernement par la norme, le gouvernement à distance, la diffusion des normes qui deviennent des évidences pour les acteurs sociaux eux-mêmes, etc., c'est véritablement une vieille affaire qui est d'une certaine façon au fondement de la sécurité sociale, on va dire. Développement d'une expertise et de corps comme ça, d'experts qui viennent s'occuper de tout ça. Bon, ça a quand même commencé dans avec les chronométreurs de M. Taylor, et puis les livres de méthode, et puis à partir, disons, de l'atelier industriel, on a peut-être l'impression qu'on a une généralisation du chronomètre. Quoi. Alors c'est paradoxal, puisqu'on essaie de réfléchir sur le thème que le Fordisme s'est dépassé, et que maintenant il est passé à autre chose. Et pourtant, du point de vue, disons, de cette domination par des groupes sociaux extrêmement concrets, qui sont les acteurs, les producteurs, qui ont intérêt à ce que toutes ces machineries fonctionnent et soient achetées, c'est aussi une chose ancienne. Enfin, troisième point, le fait que... Enfin, j'ai été assez frappé de constater, notamment en travaillant sur les États-Unis du début du XXe siècle, qu'un des grands thèmes des réformateurs sociaux de cette époque, c'est « taking policies out of politics ». Donc il y a un problème dans ce pays, comme d'ailleurs en Europe, c'est que, on va dire les choses comme ça, les masses populaires finissent par voter. Voilà. Et puis ça, c'est très très embêtant, parce que ça a des conséquences, notamment aux États-Unis, c'est l'élimination de tous les gentlemen à queue de pie des municipalités qui sont remplacés par évidemment des boss irlandais et pire. Donc, que faire devant ça? Bon, voilà, on ne peut pas supprimer le droit de vote, c'est embêtant, c'est la constitution, il a. En Europe, on a trouvé des solutions un peu plus tard dans le XXe siècle, comme ça, il n'y avait plus de droit de vote et tout allait bien. Mais aux États-Unis, l'idée, ça a été. Enfin, une des solutions, ça a été effectivement de retirer des pans entiers de la politique publique. Des élus, en créant des boards, en créant des choses comme ça. On n'est évidemment pas très très loin de l'Union européenne et des drames qui sont actuellement en train de se dérouler à propos de la Grèce. Donc, d'où mon trouble. Au fond, est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui néolibéralisme, c'est simplement l'exacerbation, en quelque sorte, de ce mouvement qui a commencé il y a si longtemps, sa généralisation, etc. Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à la période ? Donc ça, c'est une question que je me suis posée constamment en vous écoutant. Et à cette question, je voudrais suggérer peut-être deux réponses. La première, c'est que... il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que nous autres, là, les universitaires, on est concernés désormais. Je veux dire. C'est pas simplement le poseur de briques de M. Taylor, c'est nous qu'on vient emmerder. Et je crois que c'est pas sans importance quant à notre façon de penser le caractère unique de la période que nous vivons. C'est-à-dire que ça y est, c'est passé de l'atelier de la grande industrie au bureau, de façon générale, hein, Westinghouse, les photos des années 20, et puis peu à peu l'encadrement lui-même, et puis donc les couches moyennes sont touchées, et pire que ça, nous, les universitaires. Et donc est-ce que c'est pas ça qui nous fait tout d'un coup nous dresser en disant quelque chose d'extrêmement nouveau s'est passé dans l'histoire? Voilà. Ça c'est ma première, peut-être une hypothèse. Il y en aurait une autre qui serait peut-être plus sérieuse, mais qui n'est pas exclusive. C'est quand même, il y a une chose peut-être que je n'ai pas entendue dans votre analyse, c'est au fond... la substance politique de cette affaire, c'est bon. Est-ce qu'on peut dire quand même que Reagan, Thatcher, ils ont changé le monde? C'est-à-dire, ils ont brisé l'État, brisé les contre-pouvoirs collectifs que représentaient, que sais-je, les aiguilleurs du ciel et les mineurs, pour prendre les deux grandes fondatrices. Et puis, ils ont brisé des droits universels qui étaient inégalement présents dans les deux pays, bien sûr. Comme disait Thatcher, nous aussi, nous avons eu notre perestroïque. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un contenu substantiel du néolibéralisme qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas simplement procédural, quoi, qui consiste à détruire certaines choses dans le monde social? Voilà, c'est deux points sur lesquels il me semble qu'il y a peut-être non, non, mais avancer ensemble. Non, mais tout à fait. Truc que moi-même, j'ai eu précisément en lisant Weber. Alors moi je répondrai à votre question. Alors à vos propositions de réponse, je pense que votre première réponse, c'est aussi nous les universitaires qui sommes touchés, n'est pas que ironique et anecdotique. Je pense qu'elle est importante dans la conception même du savoir. Et donc, je pense qu'il y a... et d'ailleurs, vos deux réponses, elles renvoient à ce que j'ai essayé de dire sur cette universalisation. Je pense qu'au XIXe siècle, bien sûr, on voyait bien ces tendances de gouvernement par l'abstraction, des corps, d'experts, etc., mais qui étaient quand même... qui se diffusaient dans l'économie capitaliste. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette universalisation, elle est quand même beaucoup plus massive. On est vraiment dans l'universalisation. Et on l'est parce que nous sommes touchés, mais parce que, dans notre vie même personnelle, on est touché. Dans notre vie privée, intime, on est touché par cela. Donc, je pense que cette dimension de diffusion, d'universalisation, hein, elle est importante et a posteriori, je pense qu'au lieu de... j'ai choisi universalisation, bureaucratisation du monde, je regrette de ne pas avoir pris bureaucratisation universelle. Donc ça, c'est le premier point. Et un second, c'est que par ce processus d'universalisation, une grande distinction, mais vous allez me corriger, c'est vous le spécialiste, mais j'ai l'impression, une différence avec les réformateurs que vous avez, vous, analysé, c'est qu'il y avait à l'époque quand même une distinction entre public et privé. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Et ça m'a amusé de voir, alors il y a une citation, je ne sais pas si je la retrouve, d'un grand par excellence un néolibéral, mais dans les années 50-60, qui sur New Public Management, alors attendez, je vais vous trouver ça parce que c'est très beau quand on pense qui a écrit ça. Attendez, je vais vous trouver ça ici dans mes notes. Enfin bon, et je pense que ça fait quand même une grande différence. Donc moi je dirais il y a ces deux points, universalisation et plus cette, et ça peut faire une liaison avec Pierre, c'est que l'absence de différence public-privé et de spécificité du public. Alors c'était quand même une très belle, donc on va perdre 5 secondes, mais je pense que c'est très beau. Parce que tout d'un coup j'ai un trou, mais... Ah voilà, c'est Van Mises. Alors, qu'est-ce qu'il dit Van Mises ? Vous ne connaissez pas Von Mises, qui est un grand économiste libéral. En allemand, c'est Von Mises. Oui, voilà. Désolé. Non, c'est pas comme si c'était un Autrichien. Donc. C'est Von Mises. Ouais. mais parce que. Franchouillard, d'accord. Alors, voilà. Donc, qui est quand même le fondateur de l'école autrichienne d'économie. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit ? Pour Von Mises, comme vous voulez, le bureau public, n'étant pas une entreprise faisant du profit, on ne peut pas utiliser le calcul économique et le management scientifique. Je voulais, il avait une très belle citation, dont je la retrouverai tout à l'heure, où précisément il dit, je suis désolée, mais bon, ça je pense que c'est... Pardon ? C'est un pionnier. Oui. Sa manière. Voilà. J'ai mis la citation en anglais. A bureau is not a profit-seeking enterprise. It cannot make use of any economic calculation. It has to solve problems which are unknown to business management. It is out of the question to improve its management by reshaping it according to the pattern of private business. Bon. Et ça, c'est l'école autrichienne, hein? Mais pas aujourd'hui. Et ça fait une grande différence. It is a mistake to judge the efficiency of a government department by comparing it with the working of an enterprise subject to the interplay of market factors. On lirait ça aujourd'hui, on dirait c'est un keynésien, je ne sais pas ce qu'on dirait. It's vain to advocate a bureaucratic reform through the appointment of businessmen as aides of various departments. The quality of being an entrepreneur is not inherent in the personality of the entrepreneur. It's inherent in the position which he occupies in the framework of market society. It's a widespread illusion that the efficiency of government bureaus could be improved by management engineers on their methods of scientific management. However, such plans stems from a radical misconstruction of the objectives of civil government. Donc, voilà. Elle est belle, cette citation. Donc voilà, moi je répondrai comme ça. Elle est belle, mais un peu dépassée. Parce que, en effet, comme vous le montrez dans votre ouvrage, il y a une interconnexion. Oui, mais tout à fait. Et elle est dépassée, mais justement, c'était pour répondre à la question du... finalement, peut-être qu'il y a une apparence de... C'est pas nouveau, Mais il y a des glissements qui font que, si, il me semble que c'est nouveau, précisément par cette indifférenciation public-privé et par cette universalisation. Ce qui est nouveau, c'est peut-être la disparition de la croyance en un mot qui n'a pas été prononcé une seule fois ce soir, c'est le mot de démocratie. Et donc avec, en effet, une distinction entre la sphère privée, la sphère des affaires et la sphère publique, celle où l'on débat des grands choix, des grandes orientations de société. Et peut-être qu'en effet, le néolibéralisme, finalement, essaye, par sa volonté de dépolitisation, en effet, de faire en sorte que cette question ne se pose plus, et qu'en effet, que les questions, comme on dit, que les questions politiques ne soient plus que les questions techniques. Oui. Alors, chez moi, il y a aussi une volonté de pas... parce qu'en fait, quand on dit... quand on dit néolibéralisme, généralement, il y a beaucoup de travaux qui essayent de montrer effectivement soit le néolibéralisme et une nouvelle forme d'autoritarisme. Mais pour moi, ce genre de question est problématique parce que, notamment par ma trajectoire de recherche, moi j'ai travaillé sur des sociétés non démocratiques. Afrique subsaharienne, Maghreb, et puis Europe du Sud, mais qui a été longtemps sous des régimes autoritaires. Or, dans ces pays-là, la dynamique néolibérale est aussi à l'œuvre. Et donc, j'ai aussi essayé de travailler au-delà de cette distinction implicite. Hein. Beaucoup de travaux sur néolibéralisme, sur néolibéralisme, concerne les sociétés démocratiques et leur tendance vers un nouvel autoritarisme, et il y aurait par ailleurs les pays non démocratiques. Or, la logique démocratique transcende ça. Et d'ailleurs, bon, je ne sais pas si je vais travailler finalement là-dessus, mais une des pistes de mes recherches futures, ce serait précisément d'essayer de voir qu'est-ce que le néolibéralisme dans des situations politiques qui n'ont quand même rien à voir. Le cachillien serait un bon cas, parce que c'est quand même là qu'ils ont commencé. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème de Weber, la démocratie, parce que bon, on ne peut pas dire que Weber tenait beaucoup, beaucoup les élections. Hein, c'était pas, non, c'était c'est pas quand son même... souci principal, on va dire. Je pense que ça a été une interprétation de Weber qui est un peu caricaturale. En termes de nationaliste. Non, bien sûr que Weber a été dans un moment très nationaliste, donc nécessairement. Mais je veux dire que lorsqu'on fait vraiment attention, et toutes les nouvelles traductions de Weber mettent l'accent là-dessus, c'est, il n'est pas aussi indifférent à la démocratie que ça, et dans ses œuvres politiques, traduites par Kaufmann et introduit par Colliot-Hélène, ou même dans ses travaux théoriques sur domination, ou bien sur les catégories là que Grossin est en train de traduire, on voit bien que transparaissent des idées anti-autoritaires aussi. Donc je pense que là-dessus, il y a beaucoup eu d'interprétations liées. Je suis désolée, j'ai oublié. Voilà. Mais je pense que c'est une vraie question, cette de néolibéralisme et démocratie, mais qui est pas du tout évidente, enfin qui me paraît pas du tout évidente, ayant travaillé sur des pays non démocratiques très néolibéraux. Y a-t-il d'autres questions sur cette première partie exposée? Ou est-ce que l'on passe au second et on reviendra de toute façon? Je pense que c'est un grand oui franc et massif pour le second exposé.